On fait deux pages. Oui, on fait deux pages. Pour... Alors, je vais la tête de jour. Oui. Non. On va faire là, on entre. Ah oui, là et là. Oui, voilà, on va faire pour le 9, non ? Et ici, pour le 6. Ah, d'accord. Et donc, ceux qui étaient... Donc j'ai pris que ceux qui étaient là l'autre fois les signer, mais pas tout le monde, parce que sinon ça avait semblé déjà tout copier coller. Oui, donc alors. Donc malheureusement, donc le cours pour cette année, il est terminé, mais quand même d'abord, il y a, merci, ce n'est pas le même sujet, parce que vous voulez encore m'entendre parler à Paris, donc je devrais, donc, ou le 24 ou le 25 mai, participer au colloque qui débat qui est à la Bibliothèque nationale. Je suis également invité à parler, je ne sais pas exactement en quelle forme, le 9 juin, je crois, au foire de l'autogestion. Et en plus, si tout est confirmé, je pense que le 22 mai, on va faire une autre séminaire de critique de la critique de la valeur. Non, le 22 juin, oui. Le 22 juin à la générale. Donc même au mai juin, on ne va pas arrêter les activités, je pense même pas. Je pense. On va de toute manière le reprendre en septembre, tandis que le cours, si on fait comme l'année dernière, et donc ça va débuter au début novembre, et je pense que la plupart des gens étaient d'accord pour le déplacer vers la fin de l'après-midi, ce qui permettra peut-être à certaines personnes qui travaillent de participer, mais étant donné qu'ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas s'exprimer sur cette... Le 24 le 25 mai à la bibliothèque. C'était le premier jour de la Bibliothèque nationale, le deuxième jour, donc je ne sais pas quel autre endroit. Donc il y aura moi et Gabriel aussi qui vont de rentrer en retard, qui parleront à ces colloques sur les bords. C'est quoi ? Le 24 et le 25, je ne sais pas exactement quel jour c'est mon tour et le tour de Gabriel. Donc, comme j'avais déjà dit, donc je n'ai même pas réussi à faire moitié du cours que j'avais prévu. Et de toute manière, c'est bien de terminer aujourd'hui avec la question du sujet, parce que de certaine manière, effectivement, le terme de sujet, de certaine manière, fait quand même, si on veut, un peu les pivots du cours tel que je l'avais prévu, parce que... Vous vous rappelez, le titre était quand même pas n'était pas introduction à la critique de la valeur, mais était quand même du fétichisme, on va le dire le titre exact, du fétichisme de la marchandise au narcissisme. Il y avait quand même dans mon esprit l'idée de passer d'une partie qui était plutôt liée à la critique de l'économie politique, donc on peut se baser sur un terrain à peu près, dans mes yeux, à peu près sûr, donc c'est évidemment. Tous les travaux qui vont de Marx à Kurz. Et de l'autre côté, pour aller ensuite un peu élargir ce discours évidemment vers la psychoanalyse et la psychologie sociale et contemporaine, évidemment sur le thème du narcissisme, évidemment, et surtout le narcissisme, comme le, de cette manière, comme le volet ou comme le côté subjectif, entre guillemets, évidemment, de la valeur pas conçue, évidemment, comme terme économique, nous l'avons souvent dit, la valeur conçue comme une forme sociale totale au sens des mots, donc quelque chose qui se présente toujours en même temps comme quelque chose de collectif, d'individuel, de subjectif et d'objectif. Et justement, donc, je dis... J'utilise les termes subjectifs, entre guillemets, parce que justement, c'est là, d'une certaine manière, il est pour notre propos absolument central, justement, de questionner le rôle même du sujet. Justement, donc, notre discours ici portera aussi sur une critique du sujet, ou pour mieux dire, de la forme sujet. Justement, donc, on va, donc, surtout cette deuxième partie qui maintenant se déroulera à l'année prochaine. se base un peu donc, sur cette idée que le sujet également n'est pas une donnée ontologique, transhistorique, éternelle et neutre, mais que le sujet, pour mieux dire, on le répète, la forme sujet, donc le fait que les individus conçoivent eux-mêmes en tant que sujet, est un produit historique qui est certainement bien, qui n'est pas seulement étroitement lié à l'affirmation du travail abstrait, mais de certaines manières, est la même chose. Donc, la forme sujet donc, est quelque chose, donc là on va commencer aujourd'hui le discours, si on le termine, qui probablement, d'une certaine manière, naît de la auto-décomposition de la religion chrétienne à la fin du Moyen-Âge, et qui, d'une certaine manière, est le côté subjectif de ce qui apparaît dans la reproduction quotidienne en tant que travail abstrait, donc qui finalement apparaît dans la fameuse valeur. Et donc le sujet, forme sujet, donc comme un produit historique, qui est en même temps la cause et la conséquence de ce que nous avons déjà vu dans le domaine économique au sens plus strict. Donc, nous avons parlé même assez brièvement dans les dernières cours. Donc, nous avons un peu vu le même processus, on pourrait dire une abstractification du monde. Nous l'avons vu d'abord avec la naissance de l'économie monétaire autour du complexe militaire-industriel, donc créé presque par hasard après la levée des armes à feu. Et nous avons même vu donc la même abstractification dans la naissance de sciences naturelles, donc notamment avec Galilée, et même dans d'autres domaines comme la musique, donc justement avec la distinction entre le ton fort et le ton faible dans la musique. Donc, je ne sais pas si je me suis très bien exprimé la dernière fois en résumant le livre du savant allemand de Bockelmann. Peut-être non, parce qu'il y a des choses qui ne me sont pas parfaitement claires à moi-même, même si je pense les discours. Et assez intéressant, mais peut-être on va le reprendre l'année prochaine. Peut-être je vais tenter aussi de mieux comprendre ces exemples. Donc aujourd'hui, je voulais faire d'abord quelques observations en général sur la notion, le concept même de sujet, et après, si c'est possible, j'ai une heure et demie, d'arriver un peu à celui qui peut vraiment être appelé le fondateur de la religion du sujet et de l'objet aux sciences philosophiques, donc notre ami Descartes. Merci. Une critique du sujet apparaît d'abord de toute manière surprenante, parce que le sujet, d'abord, nous semble en général A, une chose évidente, et B, une chose positive. Donc la critique du sujet en général, surtout dans un contexte aussi que se veut des critiques sociales, d'émancipation, en général, n'y va pas du tout de soi, parce qu'à la limite, si on connaît une critique du sujet, on la connaît plutôt du côté du structuralisme ou de la théorie des systèmes. Alors d'abord, comme toujours, donc nous avons donc une question, disons, terminologique qui n'est pas sans importance. D'abord, alors, le terme de sujet est très souvent, en général, nous le considérons comme tout ce qui n'est pas l'objet. En général, le sujet, donc nous appelons de certaine manière ce qui est nous-mêmes par rapport au monde extérieur. Et donc là, il finit par être, d'une certaine manière, équivalent à la notion d'être humain, d'individu. Et donc, une critique du sujet, donc, a priori, ne semble pas presque se heurter contre une évidence, être un peu comme une critique de la force de... à la limite, comme une critique de la force de gravitation. Alors ici, en vérité, donc, ce problème terminologique est assez réel, un peu le même comme lorsque nous parlons d'une critique du travail. Alors, lorsqu'on fait une critique du travail comme une catégorie historique, la première chose qu'on vous oppose, c'est qu'il faut que l'homme travaille, il faut faire quelque chose, il faut que la nature ne nous donne pas spontanément ce dont nous avons besoin, donc il faut se donner à faire. Donc, au moins faire la chasse, au moins faire l'agriculture ou d'autres choses. Évidemment, ici, et nous avons longuement parlé de ça, il y a une espèce de confusion entre ce que Marx, avec un joli terme, appelle l'échange organique avec la nature, donc le simple fait qu'il faut y avoir une espèce de, évidemment, de rapport à la nature pour en tirer le nécessaire. Mais lorsque nous parlons de travail, aujourd'hui, nous entendons une autre type d'activité, nous entendons le travail abstrait, et donc comme une catégorie historique, donc où les plus différentes formes d'activité sont mises tous ensemble dans le même sac, en vérité, en les considérant sous le seul angle de la dépense d'énergie. Et la preuve, nous l'avons déjà dit, réside dans le fait qu'en général, avant le Moyen-Âge, au moins, il n'existait pas un terme qu'on indiquait du travail dans le sens moderne, c'est-à-dire pour l'ensemble des activités utiles. Alors, nous l'avons dit, donc, que tout le terme de travail, arbeit, rabot, labor, sont toujours liés à l'idée de la peine et de la fatigue et de ce qu'on fait faire aux esclaves. Mais jamais, dans l'Antiquité, par exemple, on aurait mis le travail d'un chef, c'est-à-dire l'activité d'un chef d'armée, d'un prêtre, d'un esclave dans les mines et d'une agriculture libre dans le même domaine du travail, donc, parce que c'était chaque fois des activités différentes. Mais bien, au moins ceux qui ont suivi tout le cours, mais l'ont dû répéter maintes fois ce discours. Mais j'ai dit là, donc, pour le sujet, c'est un peu la même chose, donc, évidemment, un discours sur le sujet comme un discours sur le travail, évidemment, doit d'abord se libérer de cette acceptation trop vague d'un terme qui finalement ne finit pour rien dire aussi. Parce qu'on ne peut pas bâtir une théorie sociale sur le fait qu'il faut avoir un échange organique avec la nature. C'est vrai, mais ça ne veut rien dire parce que c'est vrai dans toutes circonstances et partout. C'est comme dire il faut que l'être humain respire pour vivre. C'est évident, mais le discours termine là. Donc la même question avec le sujet. Le sujet ne peut pas être identifié à la simple existence d'un individu biologique séparé l'un par rapport à l'autre. Là, c'est aussi une évidence, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais le fait déjà de se concevoir comme un sujet, comme un moi, comme un individu, par exemple, au contraire, n'est pas du tout quelque chose de naturel ou d'évident, comme il peut nous paraître. Je vous rappelle, entre guillemets, le fait, entre parenthèses, le fait, je pense, quand même bien connu, par exemple, il existe des langues, même des langues assez, comme le japonais, qui ne connaissent pas le mot moi, parce que non, je suis bien renseigné, en japonais, nous utilisons le mot moi, on dit toujours un terme qui est en relation avec l'autre, on dit par exemple, votre frère, votre père, même au sens figuratif, tu sembles votre supérieur, votre inférieur, votre... De manière qu'on est toujours, on se conçoit en japonais, toujours déjà, jamais comme un atome individuel, mais déjà en tant que terme d'une relation. Donc, ce qui donc démontre, d'ailleurs, si pour reprendre le discours de l'autre fois, donc, la conception si typique de la pensée bourgeoise moderne à partir de Hobbes sur l'idée que d'abord il y a un individu qui est en tant que tel une entité autosuffisante et qui après rencontre d'autres êtres avec lesquels il peut installer des rapports hostiles ou amicaux. Donc cette idée évidemment n'est pas du tout naturelle, comme je dis, même des sociétés assez, pour le reste, assez sophistiquées et qui ont même développé leur propre forme de capitalisme, finalement comme le Japon, peuvent se baser sur une idée beaucoup plus relationnelle de l'individu. Et là aussi d'ailleurs, comme on le voit dans les cas du Japon, donc indiquer le fait que d'autres sociétés ont pu suivre des modèles bien différents des modèles occidentaux ne veut jamais dire de refaire l'éloge. Très souvent, en fait, c'est tout ce qui est confusion. Dans le cas japonais, ça veut quand même également dire que c'est une société où les hiérarchies sociales existent déjà au niveau du langage. Donc, il est pratiquement impossible, par exemple, évidemment au Japon, de concevoir soi-même qu'il soit déjà dans un rapport hiérarchique avec d'autres personnes supérieures ou inférieures. Après, je crois, on a fait surtout dans les dernières années, dans beaucoup d'études aussi, justement, sur les épistémologies, les approches différentes, non notamment en Chine ou au Japon, mais c'est là, ce ne devait pas être le sujet, entre guillemets, de mon discours d'aujourd'hui. Donc, c'est juste pour dire, donc, d'abord, alors, le terme de sujet, alors d'abord, ne doit pas être utilisé aussi au sens simplement d'un individu ou d'un être humain, mais comme une catégorie historique. Et si je dis si je dis que cet usage historique du mot sujet est parallèle à l'usage historique du mot travail que nous faisons, ce n'est pas un hasard que j'ai donné cet exemple parce que justement, là je vais insister aujourd'hui, la catégorie moderne de sujet est justement étroitement liée au concept de travail parce que essentiellement, le sujet moderne est essentiellement défini comme un travailleur. La définition du sujet en général, surtout, n'est pas identique justement à l'être humain en tant que tel, en tant que porteur de besoins et de désirs, mais comme nous allons aussi le voir dans les philosophes de la Lumière, notamment j'ai un philosophe généralement réputé par son universalisme comme Immanuel Kant, la définition du sujet, en vérité, se base toujours sur toute une série de clauses d'exclusion. En vérité, il y a toujours une certaine modèle qui est considéré un sujet, donc une personne, surtout qu'elle soit en pleine possession de ses facultés mentales, qui est donc responsable de soi-même, et tous les autres, en vérité, qui ne correspondent pas à ce critère, ne sont pas du sujet au sens plein. Et là, donc en vérité, déjà, donc, pour anticiper sur ce fait, donc en vérité, la conception moderne du sujet se base en général sur une espèce de fausse universalisation. Même aujourd'hui, on n'est pas. Parce que évidemment, l'idée du sujet n'est pas séparable par rapport à l'idée juridique d'un sujet, donc d'une personne justement qui est responsable de soi-même. Donc même aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on n'a pas 18 ans, où les personnes considérées donc. Atteintes des maladies mentales, ils ne sont pas considérés des sujets. Et comme vous savez, évidemment, le concept de sujet, donc même à l'époque du 18e, encore largement au 19e siècle, ne concernait pas ni les femmes en général, ni les populations extra-européennes, et longtemps, même pas le non-propriétaire. Donc il est vrai qu'on a eu une évolution historique du concept de sujet. Donc le titre de noblesse du sujet a été, de certaine manière, a été élargi à la couche de la population toujours plus large. Mais déjà, ce fait démontre que le fait d'être un sujet, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre bagage de naissance. C'est quand même une catégorie juridique et philosophique à laquelle on peut accéder ou ne pas accéder. Et justement, en général, le terme habituel du sujet, donc il voit donc une charge de beaucoup de significations essentiellement positives. Donc, c'est l'idée donc d'être maître de soi-même, de n'être justement le contraire du sujet était justement traditionnel self. Le self, ou l'esclave qui était dans un espace qui était la propriété de quelqu'un d'autre, dans le cas d'esclave, ou qui était au monde dans un rapport filial, familier avec son maître. Et donc justement l'idée du sujet est évidemment liée aussi à l'idée d'une espèce d'égalité juridique de tous les hommes. Voilà pourquoi cette idée du sujet a souvent, à partir de Lumière, a été largement repris aussi par tout le courant révolutionnaire et d'émancipation, en général en insistant sur le fait que cette égalité juridique n'était pas encore suffisante lorsqu'elle ne correspondait pas à une égalité ou au moins à une égalité tendancielle dans les domaines de la reproduction réelle de la vie, donc en termes économiques et sociaux. Parce que, en effet, donc, parce que, parce que d'abord, comme je dis, il y a ce concept, comme je dis, très, très vague et neutre du sujet identifié par l'individu. Et l'autre fait, donc, en général, nous tendons donc à identifier le sujet avec, justement, avec une idée de liberté, avec une idée d'auto-affirmation, donc avec une idée de ne pas être l'objet de quelque d'autre, de ne pas y appartenir. Et voilà pourquoi, en général, une bonne partie de toute la pensée, de toute la critique sociale depuis l'époque de Lumière, a toujours insisté sur ce côté subjectif. Donc la libération était en général conçue comme une forme de libération du sujet par rapport à des structures qui l'écrasent. Et donc, l'égalité juridique des citoyennes, donc c'est aussi cette conquête évidemment des révolutions bourgeoises, était justement aussi liée au statut du sujet. Après, il y a donc une espèce de fracture, même à l'intérieur de la critique sociale, entre un discours plutôt subjectif, ou disons aussi subjectiviste, et notre discours plutôt objectif. C'est aussi une dichotomie qui a transversé toute l'histoire du marxisme, où d'un côté il y avait évidemment tout le courant qui était en général appelé le marxisme le plus orthodoxe, donc social-démocrate d'abord, léniniste ensuite, insistait surtout sur le fait qu'il y a une espèce de prééminence de structure, de la structure économique, et que de toute manière, déjà, il y avait une espèce de loi d'histoire qui s'évisait presque d'elle-même, et que donc le rôle aussi de l'individu était plutôt de participer à ce mouvement en mettant ses propres intérêts au deuxième plan. C'était aussi déjà tout le conflit au début du siècle dernier entre le courant majeur, par exemple, du mouvement ouvrier, qui demandait justement de mettre le côté subjectif à part et de participer au collectif, et des courants minoritaires, comme par exemple les anarchistes, notamment les anarchistes individualistes, qui au contraire donc insistaient justement sur ce côté subjectif. Donc, après, évidemment, donc, la réalité comme l'Union soviétique, en général, s'est basée encore plus sur une espèce de valorisation du côté objectif. Et donc, évidemment, le côté subjectif était souvent aussi, disons, honni comme une espèce d'égoïsme ou d'individualisme bourgeois, comme on disait en Union soviétique. Mais c'est aussi par réaction à cet ex-objectivisme, d'ailleurs on disait aussi dans les débats marxistes, qu'on a eu notamment à partir des années 50 un autre courant plus subjectiviste dans la critique sociale, donc on peut dire un courant plus chaud, donc, qui tenait donc beaucoup plus évidemment en considération aussi la vie de l'individu et ses besoins et ses désirs, même opposés aux grandes réalités. Et donc beaucoup de ceux que d'autres ont appelé le marxisme occidental, donc tout ce qui peut être par exemple déjà Sartre même et Lefebvre, l'école de Francfort, les situationnistes, donc les différents amalgames entre traditions artistes, souvent d'origine surréaliste, et ensuite jusqu'au courant opéraïste, au post-opéraïste, en général valorisent beaucoup plus le côté subjectif, donc le côté aussi, donc, et ils conçoivent en général justement aussi la désaliénation de l'émancipation justement comme une espèce d'affirmation du sujet donc face à une objectivité écrasante. Donc dans ce deuxième usage du terme sujet, donc le sujet n'est plus seulement pris seulement dans un sens générique comme individu, mais en général est aussi chargé très positivement comme une idée de et justement comme une espèce de de l'individu en pleine liberté et en pleine possession de ses facultés. Et donc celui, d'une certaine manière, qui donc est capable d'avoir une conscience et d'agir pour son propre compte. Vous connaissez évidemment la fameuse définition qu'est-ce que c'est que la lumière donnée par Emmanuel Kant lorsqu'il a dit que la lumière, donc c'est la sortie des hommes de son état de minorité. Donc il a justement cette idée donc, que longtemps l'être humain était toujours justement dans ce rapport de soumission, pas seulement au sens politique ou juridique, mais même dans le sens de ne pas pouvoir penser avec sa propre tête. Il y avait toujours le prêtre que d'autres qui pensaient pour lui. Donc justement, cette l'emphase qui mettait de lumière sur le sujet est liée à cette idée, évidemment, le sujet est quelqu'un qui, de cette manière, qui trouve aussi ses règles dans son intérieur, dans soi-même, qui n'a pas besoin de maître qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Et, je répète, évidemment, cette idée était portée avec beaucoup d'emphase et a été acceptée pleinement par toute la tradition des critiques sociales, qui, je répète, c'est presque toujours a conçu soi-même comme une continuation, une radicalisation d'une lumière, justement en insistant sur le fait que le programme de lumière n'a pas été réalisé parce que cette idée, cette proclamation d'un être humain qui est maître de son destin, qui s'est donc été resté avec la révolution bourgeoise à sa première étape, à l'étape essentiellement juridique, mais n'a pas pu se réaliser dans la vie quotidienne, sociale et économique. Par exemple, si on est obligé de travailler 14 heures par jour dans une usine, et sous la férule du contre-maître, on est un sujet que purement par sur un plan purement formel, en vérité, on n'est pas du tout libre. C'est déjà l'argument que, évidemment, a été développé par le jeune Marx, notamment dans son écrit sur la question juive. Et donc, par exemple, beaucoup de théories sociales contemporaines insistent, par exemple, aussi sur le concept de manipulation. En vérité, c'est plus la même chose. Par exemple, quelqu'un qui est manipulé par la télévision, manipulé par la propagande politique, etc. Et justement, et quelqu'un qui n'a pas une pleine maîtrise, par exemple, de ses facultés intellectuelles, qui n'est pas libre de se former un jugement. Donc, dans toutes ces formes de critiques, donc, le pôle positif, c'est toujours le sujet. Donc on imagine qu'il y a un sujet d'abord qui veut s'affirmer, donc qui veut vivre sa liberté, mais dans la société capitaliste qui n'est pas libre de le faire, donc ni sur le plan économique et social, ni sur le plan des idées, parce qu'il se trouve toujours face à une espèce d'objectivité d'une certaine manière, qui est extérieure, qui le limite, et qui n'est pas une objectivité donnée simplement naturelle, comme le fait que je ne peux pas, par exemple, mettre ma main ici parce qu'il y a une table, mais qui, évidemment, est une espèce de fausse objectivité, parce qu'elle est donnée par un ordre social qui n'est pas du tout naturel, mais qui correspond aux intérêts de quelqu'un. Alors, faites attention, jusqu'ici, essentiellement, je n'ai pas résumé la critique du sujet, j'ai résumé au contraire, donc en général, la raison de la valorisation positive du sujet dans la théorie marxiste traditionnelle et dans presque toutes les théories des critiques sociales. Donc, le sujet, en général, est conçu comme l'élément qu'il faut libérer, comme l'élément qui contient déjà une espèce de richesse potentielle, ou peut-être déjà vécue, par exemple, dans la famille, dans les quartiers, ou dans la forme de vie populaire, prolétaire, etc., mais qui est brimée par l'extérieur, par cette fausse objectivité, donc il faut, d'une certaine manière, se libérer. Et d'une certaine manière, donc cette dichotomie entre un sujet qui est déjà, qui en tant que tel est imaginé comme étant hors de l'ordre capitaliste, marchand, et la réalité extérieure, cette dichotomie est par exemple à l'origine, par exemple, aussi de toute l'emphase qu'on met, par exemple, sur les idées de démocratie directe et d'autogestion. Maintenant, bah, ça me porte un peu long, moi je veux quand même faire cette remarque que, justement, la fin de différentes formes de léninisme, à partir des années 70, a grandement remis en vigueur tout le thème de la démocratie radicale, de la démocratie directe, de l'autogestion sous différentes formes. Il suffit de penser, par exemple, quelqu'un comme Castoriadis a bâti presque toute sa philosophie sur ça, mais souvent ce sont des idées, une bonne partie aujourd'hui de la gauche se base même sur cette idée qu'il faut réaliser la démocratie, parce que la démocratie est seulement promise, ou elle réduit à un rituel électoral, mais elle ne serait pas réelle. Alors, au-delà de toute considération, je dis, plus politique, il faut quand même dire que cela présuppose d'une certaine manière toujours justement qu'il y a une espèce de sujet qui en tant que tel est ontologiquement, substantiellement différent par rapport aux forces qui veulent lui opposer quelque chose de différent, qui veulent les manipuler, mais si on laissait faire au peuple ou au prolétariat ou aux citoyennes ou aux ouvriers, quel que ce soit, et c'est sûr qu'il se comporterait de manière complètement différente. Franchement, je trouve cette idée finalement assez ingénue, et sur le plan théorique, et sur le plan pratique. Parce que cette idée présuppose quand même que le sujet est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin que la société marchande, ou apparaît vraiment comme une espèce de roc éternel, comme aurait dit Mauss. Une espèce de substance ontologique, comme quelque chose qui est donné par nature. Donc, l'homme est donc imaginé comme ayant une espèce de propension naturelle à l'autodétermination, à la liberté, à la coopération avec les autres. Et il n'y a pratiquement une société mauvaise qui lui empêche de réaliser cette nature. Et étant donné que cette société, évidemment, n'existe pas seulement dans l'abstraction, on retourne toujours à une espèce de dichotomie de classe. Donc, d'un côté, le bon peuple, de l'autre côté, le mauvais oppresseur. Donc, cette théorie, même la théorie de la démocratie radicale, finit en général avec une dichotomie finalement assez grossière, de type plutôt moraliste, donc, où évidemment, il semble que le véritable défaut du capitalisme réside dans l'existence d'une couche de personnes évidemment qui ont des mauvaises intentions, qui sont évidemment qui se laissent gouverner évidemment par leur avidité et par leur soif de pouvoir, et voilà pourquoi d'ici certains peuvent glisser évidemment par état vers toutes les théories de la conspiration, vers toutes les attaques aux prétendus parasites et à toutes les formes d'antisémitisme, et voilà pourquoi il y a toujours évidemment un terrain où la gauche et la droite ont tendance même à se conformer dans cette conception personnalisée évidemment de la domination. Alors justement, la critique du sujet doit nous aider à y voir un peu plus clair, j'espère, et aussi à ne pas tomber, par exemple, dans cette conception où la société semble être faite par deux catégories complètement différentes des personnes au plan moral. Alors justement, la critique du sujet présuppose l'idée, comme je dis, qu'il faut mieux parler de la forme sujet. Donc la forme sujet, c'est une manière possible et comment les individus, les êtres humains peuvent concevoir eux-mêmes et le rapport avec le monde extérieur. Et qui se base, là, pour dire peut-être la chose la plus importante, donc ce sujet donc se base essentiellement sur l'intériorisation d'une série de normes que la société donne, qui sont essentiellement des normes, donc justement qui se basent évidemment sur l'aptitude au travail, donc sur la, euh, sur le fait de réussir à contrôler ses propres pulsions, et donc sur une espèce de discipline intériorisée. Ici, évidemment, la critique du sujet, c'est évidemment... C'est base aussi, par exemple, déjà sur les travaux de Michel Foucault et d'autres auteurs, justement, même si l'approche de Foucault était assez différente, par exemple, par rapport à l'approche de la critique de la valeur, il y a quand même au moins une convergence sur ce thème-là. Donc c'est une vision beaucoup moins positive des Lumières, et de voir que dans cette affirmation du sujet finalement émancipé de Lumière, c'est basé essentiellement sur le passage de la société de contrôle à la société de discipline, ou vice-versa. Parce que les deux termes, je ne comprends pas pourquoi Foucault les utilise. Donc, je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais je ne comprends pas le mot qu'il veut qu'il utilise. Mais le concept est très clair. Donc, avant, donc de toute manière, pour le résumer, de manière, il y avait comme une intériorisation assez faible des valeurs comme le travail, comme la... l'abstinence, l'épargne, etc. Donc tout cela était toujours représenté à l'intérieur, évidemment, par la figure du prêtre, par la figure du maître. Et voilà, donc... Et voilà, donc, pourquoi donc, il n'existait pas des citoyennes au sens moderne, parce que, justement, le maître ne pouvait pas les plus... se fier évidemment à leur serf, aux paysans, etc. Parce que dès qu'on les laissait faire, ils faisaient évidemment tout le contraire de ce qu'ils étaient censés faire. Justement, un sujet d'ailleurs assez inépuisable de la littérature, par exemple, vous connaissez, vous avez lu le livre de Swift, Le Conseil pour la servitude, où il décrit, je pense, ces centaines de manières qu'il y avait, par exemple, le serf, les domestiques à l'époque, par exemple, pour voler leur patron. Hein. Donc, il dit, genre, par exemple, si une autre domestique vient te voir, démontre, par exemple, la richesse de ton maître en lui offrant le meilleur cognac qu'il ait dans la maison, à ton collègue domestique, etc. Et donc, là, elle fait une espèce presque de encyclopédie de toutes les manières de résistance. Et donc, on peut, donc, là, évidemment, c'est plutôt bien connu, donc le fait que, donc, essentiellement, entre la fin du Moyen-Âge et le 18e siècle, donc, il y a une espèce d'intériorisation graduelle des contraintes, donc, jusqu'au point qu'il arrive finalement dans une couche assez vaste des personnes qui ont intériorisé cette nouvelle nécessité. Jusqu'au point qu'on peut, d'une certaine manière, on peut le lâcher dans la nature. Donc maintenant, ils vont, pour le dire brièvement, ils vont maintenant se contrôler eux-mêmes, ils vont travailler spontanément. Il n'est plus besoin de le surveiller tout le temps. Vous connaissez aussi, évidemment, je pense, les fameuses analyses de Foucault et d'autres sur le panopticum de Bentham, donc cette idée que là, donc, on dresse, évidemment, le personne... de manière que finalement il n'est plus besoin de le surveiller parce qu'ils le font très bien eux-mêmes. Et je répète, alors il existe beaucoup d'études, surtout dans les dernières décennies, que je ne vais pas répéter, mais ce qui peut-être n'est pas toujours assez souligné, que ce que nous appelons aujourd'hui le sujet moderne, ou le citoyen responsable, le travailleur, etc., exactement, le résultat de cette intériorisation, et on accède au statut du sujet exactement à travers cette intériorisation, parce que c'est exactement en démontrant qu'on a intériorisé les valeurs de la société du travail qu'on démontre d'être digne de confiance, donc de pouvoir être un sujet. Alors, pourquoi, par exemple, les femmes n'étaient pas considérées sujets au sens juridique à l'époque des Lumières jusqu'à la fin du XIXe siècle? Justement parce que, selon l'idée habituelle, les femmes se laissent gouverner par leurs sentiments. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas assez intériorisé, par exemple, les valeurs de la dureté envers soi et envers les autres, de la mise entre parenthèses des mondes toutes des émotions spontanées de ce qui vient du corps. Il n'était pas assez souvent, par exemple, dans une logique du temps abstrait, parce que là aussi nous avons parlé l'autre fois du temps abstrait, donc le temps de l'horloge, le temps abstrait tout sauf naturel. Et donc il faut là aussi avoir fait une certaine violence contre soi-même pour accepter, par exemple, de régler sa journée, même ce besoin naturel, par exemple, selon le temps abstrait marqué par l'horloge. Et donc tout cela, évidemment, ne marchait qu'à travers des grandes résistances. Et justement, donc peu à peu, donc, d'une certaine manière, on a admis des nouvelles catégories au statut du sujet lorsqu'il avait pratiquement démontré assez largement d'avoir qu'il n'avait plus de raison de se méfier d'eux. Et donc juste un exemple, et donc d'abord le statut du sujet et par exemple avec par exemple le droit de vote et d'autres étaient limités donc essentiellement donc en général au chef de famille, c'est-à-dire au mâle blanc chef de famille qui était le seul sujet, donc c'était encore à peu près le cas dans la révolution française et même après. Par exemple, justement, Immanuel Kant, en général considéré comme le précurseur de la démocratie et de l'universalité des droits, il disait par exemple dans un petit écrit: Or, celui qui a le droit de vote dans cette législation s'appelle citoyen. Évidemment, ça semble déjà assez moderne par rapport à une époque encore largement féodale où le droit de vote n'existait presque nulle part. Il dit: La seule qualité qui soit nécessaire pour cela, hormis la qualité naturelle, entre parenthèses, n'être ni femme ni enfant, c'est d'être son propre maître, sui juris, par suite, ce n'est posséder quelques propriétés. Donc évidemment, il pose comme une évidence absolue que même donc, ceux qui passent à l'époque, c'est déjà une forme de démocratie radicale, donc excluer déjà de toute manière au moins 80% de la population, de ne laisser pratiquement que ceux qui possédaient au moins un lot de terrain ou une boutique ou quelque chose d'autre. Même aujourd'hui, nous trouvons évident que les enfants sont exclus du droit de vote, justement parce que l'enfant, justement, ne peut pas se gouverner soi-même, n'est pas responsable. Donc, si on lui donnait une bulletin de vote, il ferait probablement un petit dessin plutôt que de voter pour Hollande pour Sarkozy. Hein. Donc, là même. Mais donc, cela nous semble encore évident, je dis juste qu'à une date récente, la chose semble tout aussi évidente par rapport aux femmes et par rapport aux populations en général non blanches. Donc le fait, par exemple, qu'on ne pouvait pas laisser, par exemple, aux indigènes dans les colonies, on ne pouvait pas leur donner les mêmes droits que les Européens sont octroyés, semble une chose que, par exemple, même à gauche, on avait rarement... On avait rarement mis en doute parce que justement ces personnes, ces individus-là, mais tout en étant des individus évidemment au sens biologique, des gens qui mangeaient, qui buvaient, qui travaillaient et tous, évidemment n'étaient pas considérés de sujets parce qu'évidemment leur réaction évidemment était, d'une certaine manière, ne correspondait pas à ce qu'on considérait de standard, un standard minimum pour être justement retenu sujet responsable. Par exemple, lorsqu'on le frappait, par exemple, au lieu d'aller par exemple, faire une dénonciation au commissariat, comme citoyenne normale, justement, peut-être elle se serait vengée sur le champ, on tue tout l'homme. Parce que ça peut être tout à fait normal dans une autre culture, mais évidemment, déjà, une telle réaction, par exemple, démontre dans la pensée moderne que tu n'es pas, d'une certaine manière, tu ne peux pas être citoyenne parce que tu n'as pas accepté les règles, c'est-à-dire que tu ne les as pas intériorisées. Donc... Mmh. Donc cette formation du sujet, donc, comme je disais, a été un processus assez long qui commence, je vais encore après en dire quelques mots, donc déjà probablement, ça commence probablement déjà avec, au XIIIe siècle aussi, avec la... avec une certaine auto-différenciation à l'intérieur du christianisme et avec un dualisme entre le corps et l'esprit beaucoup plus poussé qu'avant. Mais justement, ce qui est important, que le sujet est d'abord une espèce de forme qui a tendance à s'élargir à la société tout entière comme forme d'agir et de penser. En général, donc, on considère donc, la 17e et le 18e siècle comme, comme l'époque de la philosophie bourgeoise, comme l'affirmation de la bourgeoisie même à l'intérieur de la pensée. Donc, c'était évidemment dans le terme aussi d'un matérialisme historique, il y a pour ainsi dire, d'abord un changement dans la sphère de la production, donc la naissance des manufactures, notamment le déplacement de la production de la richesse de la terre vers la production industrielle et la philosophie, par exemple le rationalisme et le mécanicisme de l'époque, de certaines manières, auraient donc justifié cette ascension de la bourgeoisie. Donc là, c'est un terme assez... théorie assez généralement acceptée, même hors du milieu marxiste, qui évidemment n'est pas faux, mais justement pour notre propos, il est aussi intéressant de savoir qu'au-delà de la question donc, de la division de la société en différentes classes, il y a aussi une espèce de forme de conscience commune, une espèce de a priori, nous avons déjà pu dire, une espèce de schéma au sens qu'on tienne, donc il y a évidemment une espèce de filtre ou de grilles, donc ce qui est certainement... qui nous fait percevoir le monde d'une certaine manière ou pas d'une autre. Et évidemment, cette a priori, dans ce schéma, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, évidemment, certaine manière, n'est pas quelque chose de naturel, mais quelque chose qui appartient, d'une certaine manière, qui se trouve dans une évolution historique, mais qui essentiellement s'applique ou peut s'appliquer à tous les membres de la société. Par exemple, justement, le fait de concevoir soi-même comme une certaine manière, comme un pur esprit opposé à tout le monde extérieur, qui est réduit à une pure objectivité, sur laquelle une espèce de matière inerte sur laquelle on peut agir, donc c'est parce que c'est là la dichotomie moderne entre sujet et objet. C'est-à-dire cette dichotomie, c'est vrai qu'elle est née au sein des classes bourgeoises, mais elle était comme certaine manière destinée à s'élargir à la société tout entière. Et aujourd'hui, de cette manière, évidemment, nous nous considérons tous comme des sujets, donc au contraire, donc cela a largement perdu son caractère de classe. Et la forme sujet est devenue la forme sous laquelle nous percevons notre rapport au monde. Et justement, maintenant, l'année prochaine, justement, je vais beaucoup insister sur ce fait que des phénomènes comme le narcissisme et certaines manières peuvent être considérés comme la forme maintenant la plus pure d'un rapport au monde qui a commencé au XVIIe siècle. Donc c'est là un peu justement le thème sur lequel je veux insister. Lorsque Descartes a fait sa révolution théorique, il a dit « je pense, donc je suis ». Et donc, lorsqu'il dérive la certitude de son existence, pas de son corps, ni d'un argument religieux, mais du simple fait qu'il a une tête pensante, ou qu'il dit explicitement « puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, et qu'au contraire de cela même que j'ai pensé à douter de la vérité des autres choses, il suivait très évidemment et très certainement que j'étais. » Donc c'est peut-être la phrase peut-être la plus forte du discours de la méthode. Justement, je voulais après m'arrêter un peu plus sur Descartes. Mais justement, on peut dire, donc, cette définition était quand même assez révolutionnaire dans cette idée. Donc on ne se trouve dans aucun lieu, donc on n'a pas un corps, donc on est dans aucune condition concrète. Donc le sujet moderne, donc par Descartes, est justement un sujet purement abstrait. Justement là, nous retournerons à notre sujet de l'abstraction. Donc, nous avons parlé de l'abstraction dans la valeur marchande, de l'abstraction évidemment de toute qualité dans le discours scientifique, même dans l'abstraction dans la musique et dans la poésie. Mais évidemment, donc, l'abstraction la plus fondamentale est ici l'abstraction dans la conception même de l'être humain. Donc cela aurait été, je pense, inimaginable dans tout discours, par exemple, médiéval, de penser que où l'être humain était quand même toujours conçu d'abord comme une espèce d'unité du corps et de l'âme. Au moins jusqu'à ce que nous vivons dans cette vallée de l'âme qui est la Terre. Donc cette idée qu'il peut y avoir un esprit qui est totalement qui même sur cette terre ici est déjà complètement détaché par rapport au corps, et donc justement, d'une certaine manière, le début de cette forme sujet. Et qui a une longue histoire, ça fait quand même maintenant déjà presque 4 siècles que Descartes a vécu, mais justement, il y a des choses qui marchent très lentement, et lorsque aujourd'hui, nous avons le narcissisme comme une pathologie dominante, et si nous pensons que le narcissisme au terme psychanalytique est essentiellement considéré comme une pseudo-moi, en vérité très faible, qui ne réussit pas à instaurer des rapports réels avec un monde extérieur, parce que tout le monde extérieur, en vérité, n'est vécu que comme une espèce de projection de son propre moi, mais qui également est un moi, en vérité, absolument pauvre, justement parce qu'il n'a jamais réussi à rien intérioriser vraiment. Alors, on peut quand même dire le narcissisme pathologique, qui aujourd'hui est considéré de certaine manière comme la pathologie principale pour le psychanalyste, de certaine manière, est la forme la plus développée, la plus extrême de la forme sujet qui naît déjà à l'époque de Descartes. Et on ne va pas trop rentrer dans les détails, peut-être dans les prochaines, mais c'est comme évident, par exemple, que cette coupure entre le moi en tant qu'être purement pensant et un corps qui est totalement, qui est certainement une pure extériorité, et quand même, par exemple, même chez Descartes, une rupture assez forte, par exemple, avec la philosophie de la Renaissance, qui souvent s'est basée, par exemple, au contraire, sur l'analogie entre le microcosme et le macrocosme, où, au contraire, l'être humain, même à travers son corps, était donc partie de tout un réseau de relations, donc, où l'être humain ne pouvait pas être imaginé hors de son rôle dans la nature. Tandis que ce qui est plus, et en plus, donne. Donc c'est médiéval, mais aussi comme dans la pensée de la Renaissance, avec toute la différence qu'il y avait, la réalité était quand même assez stratifiée. Il y avait, par exemple, pour la pensée chrétienne médiévale, il y a trois choses assez distinctes. Donc, il y a Dieu, il y a l'être humain, et les anges, et il y a les bêtes. Et donc il y a quand même une espèce de hiérarchie des êtres. Et donc l'être humain se trouve à l'intérieur de ce cosmos ordonné. Tandis qu'avec la révolution de Descartes, il n'y a pratiquement que deux choses. Il y a un moi qui pense, qui, comme je dis, est son lieu et son corps, qui existe seulement dans le fait de penser. Et ne pas de penser quelque chose de concret, mais dans l'acte même de penser, parce que tout contenu vient après. Comme vous savez, donc le pense, parce que justement, Descartes, il décide de douter de tout, et de penser que tout ce ne peut être qu'illusion et songe. Donc il accepte tous les arguments de sceptique. Il dit donc on ne peut être sûr de rien, peut-être nous sommes même trompés par un diable qui s'amuse à nous faire croire des choses. Donc la seule chose dont je ne peux pas douter, c'est le fait que je pense, et donc si je pense, donc il faut que ce soit moi qui pense. Et bien, peut-être il n'est pas nécessaire de répéter parce que je pense qu'il y a une chose que tout le monde connaît, même si c'est Descartes. En plus, il est vrai aussi que Descartes en général à mauvaise presse en général de la pensée, dans la pensée, c'est-à-dire des dernières décennies en général. Très souvent, donc, on voit en Descartes justement l'origine de la grande erreur. Donc, c'est justement celui qui a coupé l'homme et la nature, le sujet et l'objet. Et donc, beaucoup de pensées, surtout donc les pensées qui critiquent la science en général, sont des critiques de Descartes. J'avais même pensé que de même que dans le roman de Voltaire, non, il y a le garçon qui chante c'est la faute à Voltaire. Donc, beaucoup de gens pourraient également chanter c'est la faute à Descartes. Et donc je ne veux pas nécessairement rentrer dans les mêmes chorus comme par exemple comme Heidegger dans son essai donc on s'appelle Les portes et l'image du monde, mais il est vrai que quand même donc effectivement la coupure introduite par Descartes est effectivement assez forte, surtout pour notre propos. Il est au moins aussi importante que l'idée de Hobbes, donc qui propose l'atomisme social à la base de la société. Et je répète, donc toute cette espèce de stratification qui était typique aussi dans la pensée chrétienne, aussi avec une espèce de différent degré de l'être, qui est évidemment dans les pensées chrétiennes, donc. Plus quelque chose est proche de Dieu, plus il a de certaines manières, plus substance il a, donc plus grande est son degré d'être. Et l'être humain également, donc, de certaines manières, il peut évidemment, donc il a une espèce de médiation entre les anges et les bêtes. Il doit tenter d'être le plus proche possible des anges, mais il risque toujours de retomber vers les bêtes. Tandis que chez Descartes, et là, pratiquement, d'une certaine manière, presque toute la philosophie et la science moderne l'ont suivi, il ne reste pratiquement que deux choses. D'un côté, comme je dis, une pensée totalement désincarnée, et non même pas une pensée de quelque chose, que l'acte même de penser, et de l'autre côté, tous, à partir du propre corps, jusqu'aux autres êtres animés, aux autres êtres non animés. Donc tout cela pratiquement se confond dans une seule grande catégorie qui est justement l'objectivité ou, comme dit Descartes, la res extensa. Donc, il n'y a que ces deux choses dans le monde où, évidemment, une pensée pratiquement qui est pratiquement sans corps, la res cogitans. Ou de l'autre côté, nous avons évidemment la res extensa, donc une pure objectivité, même une pure matérialité, qui, en vérité, n'a absolument plus, autant que telle, n'a aucune pensée, donc n'a rien de vivant, donc elle est un simple objet de considération pour la substance qui pense. Et on me dit, cette coupure donc était donc déjà inimaginable dans cette perspective médiévale où évidemment l'âme est quelque chose qui réside dans chaque être humain et qui fait que chaque corps est comme également le porteur évidemment de ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'âme. Et donc il y a même la résurrection des corps donc dans l'eschatologie chrétienne, donc tandis que on a aussi fait une étude assez intéressante que surtout au Moyen-Âge, au moment dans la langue allemande, donc le corps, on disait en général Leib. Et Leib, c'est un mot qui étymologiquement est assez proche de Leben, c'est-à-dire vivre. Donc Leib était vraiment le corps en tant que surtout le corps d'un être vivant, donc surtout de l'être humain. On dit déjà, même dans tous les pays de langue allemande, ce terme a été de plus en plus remplacé avec le terme Körper, d'origine latine. Or, le mot corps, comme aussi dans le latin, n'est pas spécifique au corps humain. Donc, on peut également parler évidemment de le corps, on dit pratiquement n'importe quel volume. Donc, on peut évidemment en géométrie parler d'un corps, on peut évidemment donc tous. Donc, le corps n'est pratiquement une extension dans l'espace, mais qui n'a pas cette dignité particulière qui est évidemment dérivée du fait de la vie ou d'être porteur de l'âme. Donc, là aussi, donc, cette, Bon, ce sont des petites considérations qui, effectivement, je pense qu'ils gagnent en force et on les met tous ensemble. Par exemple, là, pour voir que, là aussi, il y a donc un changement dans la perception aussi de son propre corps. Donc même à partir de la Renaissance, le corps perd de certaines manières sa dignité d'être une espèce d'objet privilégié par... et de la création pour devenir pratiquement un objet physique entre les autres objets physiques. Voilà aussi, par exemple, c'est aussi l'époque où, par exemple, commence l'autopsie, donc la évidemment, chose longtemps combattue par l'Église. Vous savez que longtemps on les a pratiqués en cachette. Et on gêne très, très souvent, donc on le considère même comme des zéros, donc les médecins qui parfois au risque de leur vie faisaient des vivisections. Maintenant, je ne vais pas affirmer le contraire, mais c'est quand même un sujet intéressant, parce que là, justement, qu'il y a donc justement, par exemple, là aussi, cette perte d'une idée, d'un statut tout particulier au sacral du corps par rapport à une espèce de réduction donc, du corps humain à un simple élément de la res extensa au sens de Descartes. Et de là, donc, on arrive assez rapidement, à peine un siècle après Descartes, on arrive à la maîtrise. Qui donc évidemment pousse les choses à l'extrême, même s'il ne savait pas, même la maîtrise ne savait pas trop bien ce qu'il voulait, parce qu'il a publié dans la même année un livre qui s'appelle L'homme-machine, une autre qui s'appelle L'homme-plante. Donc il a décrit donc d'ailleurs de la même année, donc une fois l'homme comme une espèce de grande machine, c'est son livre le plus connu, avec une espèce de comble évidemment de la vision mécaniciste de l'univers. Et de l'autre côté, il considérait l'homme aussi comme une espèce plutôt de végétal. Mais peu importe, cela, on dit qu'il y a un grand changement là aussi, dans cette coupure totale entre l'intérieur et l'extérieur, entre évidemment une pure pensée d'un côté, qui effectivement, et ça c'est l'autre chose, est essentiellement réduite à la logique, à la mathématique. Alors c'est comment justement, toute la révolution opérée par Descartes réside justement dans ce fait-là qu'il donne pour trouver une certitude. Donc, il était évidemment tellement. Il avait tellement soif. Pour trouver une certitude, il ne commence pas avec le contenu, parce que tout contenu est faux, mais évidemment avec les vérités logiques et mathématiques, le seul de certaine manière qu'on peut démontrer. Et donc d'un côté, nous avons une pensée de caractère logique et mathématique, donc ça veut dire une pensée sans contenu propre. Là, d'une certaine manière, nous revenons toujours un peu à la même matière, peut-être au même sujet. Hein. Vous voyez, tous les mots sont chargés, déjà les significations sont au même thème. Donc justement, cette espèce d'évacuation du contenu en faveur de la pure forme, donc de même que dans la science, Galilée chasse définitivement tout le contenu pour réduire tous à triangle, cercle et carré, comme il disait. De même qu'évidemment dans la musique, nous avons vu, on abandonne, par exemple dans la poésie, on abandonne les voyelles longues et brefs à faveur de simples tons faibles et tons forts qui ne le sont l'un par rapport à l'autre. Également dans la pensée, donc, et on met tout contenu, pratiquement le contenu passe au deuxième plan, on devient presque échangeable par rapport à la structure mathématique de la pensée. Donc, le prototype de la pensée moderne, c'est évidemment l'écation, donc évidemment où le contenu, d'une certaine manière, devient presque arbitraire par rapport au rapport entre le terme de l'écation. Et là aussi, beaucoup de choses qui ont commencé au XVIIe siècle trouvent, aujourd'hui, semblent trouver leur apothéose. Par exemple, avec Google, évidemment, il y a le projet pratiquement de transformer tout ce qui existe dans l'univers à des algorithmes. Donc, alors, répète. Donc, chez Descartes, donc, nous avons donc, cette coupure totale entre un sujet vide de contenu et auquel revient clairement une espèce de priorité ontologique et une objectivité qui, elle, oui, a des contenus, mais d'une certaine manière, d'abord, semble d'une certaine manière souvent arbitraire et un peu justement un contenu peut être remplacé par un autre et surtout donc il y a donc quand même un rapport hiérarchique entre l'intérieur et l'extérieur, le sujet et l'objet, donc l'objectivité externe, donc la nature, la matière est conçue clairement comme un objet des manipulations parce qu'en effet donc toute la recherche, même scientifique, mathématique et philosophique de Descartes, de Galilée et d'autres, elle n'est pas vraiment désintéressée. Donc justement, le dernier but même proclamé, c'était de connaître la nature pour mieux la dominer. Là, c'était un autre des fondateurs de la modernité, Francis Bacon, qui l'avait dit explicitement. Donc il faut, avec une image, je pense même assez parlante, donc il a dit, je me rappelle bien, il faut mettre la nature à la torture, donc il faut lui poser des questions, il faut la torturer afin qu'elle donne des réponses que nous voulons entendre. Justement, en général, on indique, d'une certaine manière, on peut dire, Bacon, d'une certaine manière, est le fondateur de ce rapport à la nature, donc Hobbes, le fondateur de la politique et de la société moderne, et Descartes de du rapport avec l'intérieur de l'homme. Et on découle au moins deux autres conséquences intéressantes ici pour nous. Donc, dans l'optique chrétienne traditionnelle, ce que distingue l'être humain, c'est surtout d'avoir une âme immortelle. Et chaque être humain naît avec une âme. Voilà aussi pourquoi on dit que le christianisme est une religion universelle, justement, parce qu'il y a comme cette idée qu'a priori tous les hommes peuvent être sauvés, donc à condition évidemment qu'ils sont baptisés et après qu'ils se conduisent d'une certaine manière, mais il n'y a pas une espèce de préclusion. Tandis que, évidemment, dans la forme sujet moderne, à partir de Descartes, évidemment, l'être humain est essentiellement défini comme un être qui pense. Et ça veut dire, donc, évidemment, qu'il n'est pas comme un être qui pense n'importe comment, mais comme un être, d'une certaine manière, qui sait penser, qui sait appliquer les règles, par exemple, les règles logiques, donc qui sait, évidemment, qui sait justement faire ce que nous appelons penser, par exemple, c'est une catégorie, justement, que, par exemple, nous dénions aux enfants. Donc, justement, aux enfants, ils ne savent pas penser en notre sens, nous les acceptons parmi nous seulement lorsqu'ils ont appris à penser selon nos critères. Et là aussi, donc, tandis que l'âme est quelque chose avec lequel on est, donc maintenant, je ne vais pas trop pousser cette comparaison, mais évidemment, on peut de certaine manière dire que de toute manière, que peut-être dans l'optique chrétienne, il suffit de bien se conduire pour ne pas perdre cette espèce de privilège inné qu'est l'âme. Tandis qu'au contraire, la faculté de penser est quelque chose qu'il faut acquérir, pour laquelle nous avons une espèce de prédisposition innée, mais qui n'est rien si elle n'est pas cultivée. Ça veut dire, il faut donc faire un effort permanent, même contre nos inclinations spontanées, par exemple, parce que juste pour combattre, par exemple, l'imagination, pour nous reconduire toujours à ce que nous appelons penser, nous avons justement pensé au sens fort. Si, il est même assez facile de voir qu'il existe comme un parallélisme entre, par exemple, la discipline du travail, la discipline de la vie quotidienne et la discipline de la pensée. Donc, il est vrai que Descartes commence justement en disant que l'intelligence est la chose la mieux distribuée, la mieux, on était le, non, le bon sens et la chance du monde la mieux partagée. Mais d'abord, cela évidemment pour lui ne s'applique qu'aux gens de son genre, donc c'est, ça veut dire dans ces cas-là, donc à des bourgeois et à des féodaux, évidemment dans l'Europe du XVIIe siècle. Donc c'est sûr qu'il n'aurait probablement pas concédé la possession d'une bon sens ni aux femmes, sauf exception approuvée, ni aux nègres, ni aux turcs ou d'autres gens qui ont détesté. Et donc, les statuts donc, d'un être pensant est donc déjà quelque chose qui permet donc, de faire des exclusions et des inclusions. Et donc, justement, il est défini en général, donc justement, reconnu comme un être pensant, celui qui pense selon le critère, qui sont exactement les critères du rationalisme européen. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous voyons les choses de manière un peu différente. Et plus tard, à partir de Lévi-Strauss, évidemment, nous savons que chaque culture a son propre système de pensée, que le système de classification des plantes en Australie n'est pas moins complexe peut-être que la philosophie de Leibniz. Mais rappelons-nous qu'au moment pendant des siècles, pendant toute l'époque où la forme sujet historiquement s'est formé, on ne s'est posé pas ce problème, donc il y avait la forme pensée, la forme sujet qui était évidemment celle qu'on pratiquait dans le couche supérieure de la société européenne, et toutes les autres habitants du monde, de certaine manière, étaient classés par degré, selon leur distance plus ou moins grande par rapport à cette espèce de sommet possible. Et donc justement, de manière, par exemple, que les Européens, par exemple, pouvaient encore reconnaître une espèce au monde de demi-pensée, par exemple, aux Chinois, peut-être un quart de pensée aux Turcs et pas du tout aux Africains, par exemple. Ce qui, évidemment, après justifiait, évidemment, aussi tout ce qu'on appelait la mission civilisatrice des Européens et du capitalisme. Évidemment, là, peut-être, on sait que je vous dis des choses bien connues sur l'histoire du racisme européen, mais ce qui est intéressant est de savoir que la pensée du sujet et la pensée de lumière, donc l'idée de cette espèce du sujet responsable de soi, n'est pas du tout née en opposition, par exemple, au racisme, aux logiques d'exclusion. C'est au contraire, c'est exactement né sur ce même terrain. Parce que justement, selon l'auto-justification de lumière aussi, donc toute pensée de la inégalité, aussi toute forme de racisme, etc., d'une certaine manière, est plutôt quelque chose de pré-moderne, est plutôt quelque chose, une espèce de relique féodale, tandis que la modernité serait, d'une certaine manière, égalitaire par sa nature même si longtemps, cela n'a pas pu se développer complètement. Non? Tandis que là, donc, cette idée n'est pas vraie, en tout cas, elle n'est pas complètement vraie. Donc, il y a donc des formes très spécifiques, par exemple, de racisme, d'exclusion, qui ne sont pas du tout des résidus prémodernes destinés à disparaître peu à peu face au triomphe de la modernité, mais qui, tout au contraire, sont justement un produit génuin de la modernité. Souvent, en plus, ces processus sont difficiles à saisir parce que historiquement, il n'y a pas une coupure nette. En très souvent, le forme moderne d'exclusion et de domination en général ont souvent récupéré des formes anciennes, c'est-à-dire souvent en le remplissant de nouveaux contenus. Par exemple, même la dichotomie moderne de sexe ou de genre est lié effectivement à la logique du travail abstrait. Donc évidemment, il y a d'un côté donc toutes les activités qui peuvent apparaître sur le marché et prendre la forme d'une somme d'argent sont considérés du travail, avec les majuscules, qui historiquement donc était le domaine des mâles. Et toutes les autres activités qui en général se déroulent dans une sphère pré-sociale ou domestique, mais qui sont tout aussi nécessaires pour la reproduction de la société, étaient en général laissées aux femmes et justifiaient l'exclusion de la femme du statut du sujet, justement parce que la femme n'était pas dans une sphère publique et parce qu'elle ne travaillait pas, entre guillemets. Alors là, c'est quand même quelque chose de moderne, parce que cette séparation stricte entre une sphère publique et une sphère privée est une des présupposés du travail abstrait, est justement une facture moderne. Mais je dis, ces distinctions, on peut le faire sur le plan théorique, sur le plan historique, c'est assez difficile de démêler les choses, parce que ces nouvelles formes, je dis, on sont souvent nées, on récupère un peu comme des carcasses, par exemple, d'autres formes. Il existait évidemment d'autres formes de division du travail selon le sexe, même dans les sociétés pré-modernes. Et donc souvent, donc évidemment, toute société commençait d'une espèce de... Évidemment, lorsque une nouvelle formation sociale naît, elle ne détruit pas complètement l'ancien édifice pour bâtir une autre, mais elle récupère beaucoup d'éléments et souvent en les destinant à des nouvelles usages. C'est un peu la même chose, par exemple, pour la division du travail entre les sexes. De même que, quand on insiste sur le fait que, justement, que l'argent a totalement changé son rôle à la fin du Moyen-Âge, donc avec la révolution militaire. Mais les nouvelles argents qui étaient nés à cette époque-là, donc l'argent en tant que représentant du travail abstrait, à utiliser la forme déjà existante, par exemple, de la monnaie pré-moderne. Donc la fonction de l'argent moderne est très différente, mais cette différence n'est pas toujours visible parce que le nouveau contenu s'est quand même greffé sur une ancienne forme. Donc, alors, même si peut-être Descartes n'insiste pas trop sur ça, quand même, il y a donc l'être humain est défini exclusivement pour le fait qu'il pense, et justement penser donc n'est pas quelque chose qui nous est spontané, justement pourquoi il a fait le discours de la méthode, il a établi la règle pour la direction de l'esprit, etc., justement parce qu'il faut faire une grosse effort. Et déjà, donc, c'était évident à l'époque, par exemple, il n'y avait que des gentilhommes qui, par exemple, qui pouvaient se permettre de faire une telle chose. Évidemment, une paysanne qui passait sa journée et sur le champ n'aurait vraiment pas eu le loisir donc, de s'y mettre, et donc rester aussi, par exemple, ça, donc aussi, par exemple, certaine manière, exclu de certaine manière d'une pleine humanité. Et voilà pourquoi donc justement la forme sujet donc en tant que telle n'est pas universelle, elle est peut-être universable, c'est un autre discours, mais en général elle est toujours à condition de créer aussi des nouvelles formes d'exclusion. Vous l'avez dit, le statut de sujet est quelque chose qu'il faut mériter, donc il faut juste en mériter en démontrant qu'on n'a pas besoin, si le sujet est celui qui n'a pas de maître, parce qu'en général, parce qu'il a déjà démontré qu'on n'a pas besoin de le contrôler afin qu'il fasse spontanément ce qu'il doit faire, justement. L'ouvrier classique, donc, il travaille, et il était censé de travailler aussi parce qu'il s'était identifié aussi avec l'éthos du travail dans l'usine, et donc il travaillait même si par exemple le contremaître lui tournait le dos, la réalité pourrait être différente. Mais justement, la fierté aussi du mouvement ouvrier, c'était aussi les ouvriers, de certaine manière, étaient fiers d'être les ouvriers, tandis par exemple les domestiques n'ont jamais été fiers d'être les domestiques, au moins pas collectivement, et justement il était considéré comme une espèce de enfant, justement parce que dès qu'il pouvait, il fouillait le travail. Et il existe en effet toute une riche tradition populaire sur cette résistance au travail, par exemple. si vous connaissez bien le fable des frères de frère Grimm, il n'y a pas son plus fable, je trouvais assez extraordinaire. Il y a 12 cerfs qui partent, sont dans une espèce de compétition qui se racontent l'un à l'autre des histoires absolument surréelles sur leur paresse. C'est des gens, par exemple, lorsque un dit, par exemple, il se laisse. Il se met à travers de la route, et même si par exemple, un char à bœuf arrive, il, a même pas, il se laisse écraser, par exemple, plutôt que de se dresser et d'aller ailleurs. Hein. Tandis, évidemment, juste dans le sujet moderne, et surtout donc celui qui a accepté la nécessité de travailler, qui est fier de travailler, donc qui ne cherche pas d'autres moyens pour vivre, et qui pense qu'il est absolument naturel de vendre sa force de travail pour pouvoir pour venir à ses besoins. Donc, la différence donc, entre sujet et objet, donc, de certaine manière, n'est pas naturelle. De certaine manière, cette question recoupe un peu la question dont on a beaucoup discuté, surtout dans les dernières années, sur la différence entre nature et culture, qui également n'est pas du tout si naturelle, parce qu'il y a d'autres cultures et qui n'admettent pas du tout la distinction dans les termes que nous connaissons. Nous avons déjà, je pense, ici cité plusieurs fois les ouvrages de Descola et de Marshall Salins à ce propos. Mais il suffit, ou même par exemple, de penser que même dans un univers religieux, le sujet n'est pas imaginé comme le créateur autonome de son monde. D'un côté, l'homme, dans l'univers religieux, se croit largement déterminé par le sujet extérieur comme les dieux et les esprits. Donc il ne se conçoit pas comme une patron absolue par rapport à une espèce de objectivité inerte. Évidemment, exemple, dans tous les discours religieux, il y a toujours au moins il y a des moments où pratiquement on agit sous une pulsion divine, on agit pratiquement sous une commande de mon divin, et pas en tant qu'un sujet autonome. Et donc, d'une certaine manière, donc, l'être humain, là, se conçoit aussi en termes d'objet, en sens moderne, ou par exemple, je reviens à l'esprit, par exemple, dans l'Odyssée, par exemple, Ulysse, souvent, il entend une espèce de discours qui lui dit qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, ce n'est pas lui-même qui résonne, mais une espèce de voix extériorisée qui lui donne une espèce d'ordre. Et de l'autre côté, même la nature n'est pas conçue comme une simple objectivité qui obéit seulement à des lois toujours égales, mais considérée comme une espèce de sujet avec sa propre volonté insondable. Parce qu'évidemment, même aujourd'hui, parfois, nous ne pouvons pas nous empêcher de certaines manières de penser que certaines choses qui nous arrivent ne sont pas simplement le fruit des lois physiques ou chimiques, mais il y a une espèce, par exemple, lorsque, par exemple, nous glissons, par exemple, sur une peau de banane, tandis, par exemple, peut-être au moment où nous allons faire quelque chose que nous ne devions pas faire, nous allons faire spontané de penser que c'est une espèce de punition divine, non? Je pense que tout le monde, même les plus éclairés, peut avoir parfois retombé dans une espèce de rapport magique au monde, qui démontre au monde jusqu'à quel point, disons, d'une certaine manière, cette pensée est comme très enracinée chez nous. L'idée que vraiment que tout ce qui arrive simplement selon une espèce de règle d'une grande horloge, et donc nous reste d'une certaine manière en vérité peut-être profondément antipathique, cette idée. Au fond de nous-mêmes, nous tendons toujours à penser qu'il y a quelque chose quand même d'une espèce de morale donc dans ce qui nous entoure. C'est la conscience, hein. C'est la conscience qui a pris un peu la place du magique. Oui. Le mouvement inconscient. C'est, si on glisse sur la peau de banane, c'est qu'il y avait une résistance au niveau de l'inconscient, plutôt qu'invoquer présence divine. Évidemment, c'est oui, d'affirmer que c'était une espèce que nous-mêmes nous l'avons produit. Évidemment, c'est une explication sur le moderne psychoanalytique, mais spontan. Oui, Marie. Ce qui a pris la place, je trouve, un petit peu. Oui, mais je. Oui, mais c'est peut-être quand même à nouveau l'espèce de rationalisation. En vérité, souvent, je pense, nous tous, nous pouvons à un moment tomber dans des explications beaucoup plus magiques du monde, comme s'il y avait comme une espèce de volonté dans ce qui nous entoure. Hein. C'est évident que cette espèce de vision magique du monde était beaucoup plus forte à d'autres époques. Donc il nous reste quand même assez difficile d'accepter, je pense, d'accepter qu'il n'y a aucun sens dans ce que nous entoure. Donc tout cela, donc, c'est une espèce de simplement le choc de lois naturelles. Hein. Ou peut-être, ça dépend évidemment, beaucoup d'entre nous ont totalement peut-être intériorisé cette vision, disons que... objectif du monde, mais de toute manière c'est quelque chose d'assez récent. On peut dire de toute manière que cette dichotomie entre le sujet et l'objet, je répète, est quand même une facteur historique et assez récente, qui est probablement, donc on peut dire que ses débuts remontent à il y a 4 siècles, donc ça fait encore beaucoup moins que cette idée s'est vraiment largement répandue. Et voilà, donc effectivement, cette question de la coupure entre nature et culture reste aussi effectivement à reconsidérer, même dans le cadre de la considération de la naissance de la forme sujet. Et oui, donc avec Descartes, d'une certaine manière, Descartes, comme peut-être vous savez, était d'un caractère assez timoré, il ne voulait absolument pas faire la même. Subir la même histoire comme Galilée. Donc il a même réécrit ce livre pour ne pas être condamné par l'Église. Et donc même dans sa morale provisoire, il recommande de ne pas aller contre les opinions de son temps et tous. Mais en vérité, son attaque à la religion était comme assez forte, parce qu'effectivement, c'est les moi qui remplacent Dieu au fondement de la connaissance. Parce que là, en revanche, peut-être même sans vouloir faire exprès, il a radicalement détronisé Dieu. Donc, donc maintenant, ce n'est pas Dieu le garant du monde, mais justement c'est moi, c'est l'existence de ce moi purement formel et désubstantialisé qui garantit que le monde existe. Alors là, il faut aussi dire, donc justement, il y a une certaine tendance à confondre la catégorie du sujet avec une idée d'épanouissement individuel ou de liberté. Déjà, chez Descartes, nous voyons que ce n'est pas du tout le cas, parce que justement, ce sujet-là, ce n'est pas un individu, ce n'est pas quelqu'un avec son histoire, avec ses désirs, avec ses goûts, avec son existence unique, individuelle. Au contraire, donc c'est moi de Descartes, une catégorie totalement vide, abstraite. Pourquoi vous dites ça? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure. La dernière fois déjà, vous avez dit qu'une pyramide, c'est rien. Une pyramide, c'est le Vatican. La pyramide a donné le Vatican. La pyramide, c'est le passage d'un pharaon à un autre pharaon. Le Vatican, c'est le passage d'un pape à un autre pape. Donc c'est pas rien, une pyramide. Sinon, le Vatican, c'est rien aussi. Maintenant que vous dites la pensée de Descartes, le pont dont je suis, je pense rien. Vous avez dit tout à l'heure, je pense rien. Non, il pense pas rien, il pense qu'il est. Et c'est bien ce qu'il y a de plus important. Je pense que je suis. Il n'y a pas plus important que ça. Il ne faut pas dire qu'il pense rien. Il pense qu'il est. Oui, mais c'est le fait même de penser, pas le fait de penser quelque chose de précis. Il faut toujours inverser je pense donc je suis. Je suis donc je pense donc je suis. Donc quand je pense que je suis. Ben c'est énorme, c'est énorme. Non, c'est pas ce qui était. Non, vous ne croyez pas que c'est la chose la plus importante à penser qu'on est je suis. Donc il ne faut pas dire que c'est rien. Voilà. Moi, je voulais insister sur le fait que donc le sujet, au sens de Kant, ce n'est pas évidemment un individu. Donc, ça n'a rien à voir avec quelque chose comme une affirmation de l'individu face à une... Bien sûr, une affirmation de l'individu, je suis, ce n'est pas une belle affirmation de l'individu, ça? Non, parce que c'est quelque chose que tout un chacun peut faire. Donc, c'est un raisonnement qui s'applique à tout être pensant, qui peut être fait à partir de n'importe quel être pensant. Je dis, après, comme je dis, il y a une espèce de clause en petit caractère qui dit qu'il faut quand même être, au moins pour aller plus avant, il faut quand même respecter tout ce qui est d'un être pensant, d'être capable de penser une pensée logique, mathématique, etc. Mais moi, au début, il y a donc une espèce de... une espèce d'élimination. Alors... on va discuter après. Effectivement. Oui, mais sans s'échapper. Effectivement, le discours sur Descartes peut être assez long. Dangereux. Le discours sur Descartes, effectivement, assez long. Malheureusement, il nous reste 10 minutes avant de se revoir dans 6 mois. Mais il y a encore, encore moins entre deux choses qui méritent d'être effectivement soulignées comme assez particulières et typiquement modernes dans la. Chez Descartes d'abord. Et il n'y a donc pas une certitude sensible du monde, donc chez Descartes. Donc le monde doit être reconstruit donc, à partir de sa pensée. Et donc finalement, donc, il trouve justement que la pensée est quelque chose qui, autant que tel, donc, n'a pas de corps. Donc, il dit en sorte que ce moi, c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, c'est-à-dire le corps, et qu'encore qu'il, c'est-à-dire le corps, ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. Donc cette âme, je décrète, elle peut même exister, elle existe par le corps. Et donc, nous avons la pensée peut même être sûre d'elle-même lorsqu'elle ne trouve aucun objet dans le monde. Et donc, voilà donc, pourquoi la pensée peut subsister aussi pour elle-même. Et donc, voilà pourquoi Descartes arrive à cette fameuse distinction entre la res extensa et la res cogitans, donc entre une séparation totale entre deux sphères, une pensée sans contenu, sans matérialité, sans substance, et une substance sans pensée. Et donc effectivement, Descartes a vite senti qu'il y avait un gros problème, que finalement, si on restait là, donc pratiquement il n'y a plus aucun lien entre l'homme et son monde. Et donc voilà pourquoi après Descartes est tombé dans des choses qu'en général on a trouvé assez comiques, donc comme le discours, donc d'abord ils ont inventé, donc c'est le discours de la glande pinéale, donc il a supposé que dans le cerveau il existe une espèce de, comment dirait dans le langage informatique aujourd'hui, une espèce de... Une interface, je pense on dirait dans le langage informatique, une espèce d'interface entre ces deux mondes que autrement ne pouvait pas communiquer, donc que l'être humain ne peut connaître le monde à travers un détail physiologique de son cerveau. Et bien évidemment, cela nous fait rire aujourd'hui, mais cela est comme assez, en vérité, c'est assez parlant, parce que cela veut dire qu'en vérité, sans cette espèce de construction auxiliaire absurde, et si on prend la philosophie de Descartes à la lettre, il n'existe pas plus de pont entre l'homme et son monde. Donc l'homme peut être très, très bien sûr de la réalité de sa pensée, mais malheureusement, le monde lui échappe totalement. Et là aussi, Descartes était involontairement assez moderne, parce que c'est là que c'est un problème qui ne s'est posé pas du tout dans la philosophie précédente. C'est une idée qui, par exemple, aurait été totalement grotesque, par exemple, à Thomas d'Aquin, à notre pensée scolastique. De toute manière, Dieu garantissait le monde. Une fois donc qu'on avait chassé Dieu, on trouvait que ce moi, finalement, risquait de tomber dans ce qu'on appelle un solipsisme total. Donc, une espèce... Donc l'indépendance, l'autonomie totale de ce moi, donc qui n'a plus besoin ni de Dieu, ni du monde, ni de son propre corps, donc comme toujours, même dans la vie individuelle, on le sait bien, la liberté, on l'achète au prix de la solitude. Donc là, cette liberté radicale, on l'achète au prix de, pratiquement de risquer de perdre à jamais pratiquement le monde. Et d'une certaine manière, toute la philosophie moderne a tenté après de reconstruire quelques rapports entre l'homme et le monde, mais de toute manière n'était plus quelque chose qui de toute manière de présupposé. Aujourd'hui, le problème ne se posait même pas pour la philosophie de la Renaissance médiévale ou de la Renaissance. Mais après, donc, c'est déjà avec Hume, avec Kant, avec Hegel et autres, on se pose toujours le problème comment être sûr que certaines manières qu'il existe un monde. Pratiquement pour Hume, il résout le problème de manière radicale en disant on ne peut pas en être sûr et on s'en fiche, donc on va se limiter à ce qui marche, mais pour le reste, si le monde n'existe pas, on ne pourra rien y faire. Et d'autres philosophes de l'époque, comme Berkeley, encore plus radicalement dans le même sens. Et Kant également, il résout le problème en disant peut-être que le monde existe, nous ne pouvons pas le savoir, mais nous pouvons au moins savoir connaître les catégories avec lesquelles nous apprenons le monde. Mais dans toute cette philosophie-là, donc, il y a donc d'abord cette idée qu'il y a une coupure radicale entre le sujet qu'il connaît et son monde. Et donc après, il faut, donc c'est là la situation de base, et après il faut coller ensemble le morceau. Je dis que pratiquement toutes les philosophies à partir de Descartes ont simplement tenté de ou de certaines manières de indiquer des manières donc souder cette fracture originale, ou ils ont certaines manières simplement, je dirais, escamoté le problème comme Heidegger, en supposant une espèce d'être original, mais qui d'une certaine manière se base quand même toujours sur le même problème de base, sur cette question que sur cette coupure entre sujet et objet, d'une certaine manière, donc est une espèce de point de départ de la pensée moderne. Et justement, je voulais justement terminer la première partie du cours, parce que c'est justement aussi de ce justement qui unit effectivement nos catégories du fétichisme de la marchandise avec le narcissisme. Justement, la valeur, nous devons toujours dire, signifie un devenir abstrait du monde, une séparation totale entre la forme et le contenu, donc la subordination de tout contenu qu'on crée à la simple dépense d'énergie dans le travail abstrait. Et donc cette même séparation entre forme et contenu, nous le trouvons dans toute la pensée moderne, donc avec de grandes difficultés pour finalement encore établir le lien, et justement avec le narcissisme, dans ses formes pathologiques, ce lien finalement se trouve pratiquement entièrement coupé. Mais on peut, là, on le fera l'année prochaine, donc voir comme justement toute la... beaucoup aussi de l'art, de la littérature moderne et d'autres, justement, tourne autour de ce problème-là, pour cette espèce d'une absence de monde, donc justement une absence d'un lien spontané entre l'être humain et le monde qui l'entoure. Donc c'est là, souvent, être déploré en termes existentialistes romantiques, comme le destin typique de l'homme moderne. Mais il y a quand même quelque chose de spécifique entre cette coupure entre l'homme et le monde et la forme valeur d'un côté et la forme sujet donc au sens philosophique. Je dis déjà chez Descartes donc ce risque de certaine manière de perdre à tout jamais le monde donc se présente déjà dans toute sa gravité. Et notre dernière remarque sur Descartes. Et justement, alors comment Descartes arrive-t-il à sa seule certitude qu'il existe? Parce que d'abord, il commence avec une espèce de doute méthodique. Donc il commence à dire « je ne crois à rien ». Donc évidemment, il avait retenu une très mauvaise impression de ses études avec les jésuites et avec les autres. Il avait l'impression que personne n'était d'accord avec personne sur rien. Et donc il n'avait aucune proposition. Donc on pouvait être sûr. Donc il décide donc lui-même de douter de tout et de n'accepter que des choses qui lui paraissent absolument évidentes. Et donc il y a donc une espèce de mise entre parenthèses du monde entier. Donc Et c'est pas ses propres termes, mais c'était 3 siècles plus tard que le philosophe Husserl, donc dans de ses premiers écrits, il a appelé ce procédé de Descartes un anéantissement du monde. Donc évidemment, la philosophie de Descartes, comme aussi de Hobbes, disait-il, d'une certaine manière, n'est pas, peut-on dire, de la richesse du monde concret, mais d'abord présuppose de faire une espèce de table rase. Donc il faut d'abord, au moins dans la pensée, pratiquement dire que rien n'existe, que rien n'est sûr, donc il faut d'une certaine manière... Et il faut, sur ces espèces du rien, après il faut bâtir quelque chose de nouveau. Et évidemment, là, c'était encore une procédure purement, si on veut, épistémologique chez Descartes. Évidemment, lorsqu'il s'était endormi à côté de la cheminée, comme dans le fameux épisode. Mais justement, donc ce lien entre cette philosophie du vide et de l'abstraction et l'idée qu'on peut aussi anéantir le monde, d'une certaine manière, des siècles plus tard, a effectivement conquis un degré de réalité terrible. Parce que justement, là on en parlera l'année prochaine, mais le côté destructeur du capitalisme est aussi lié justement à cette espèce d'être aveugle justement à tout contenu et donc capable d'anéantir le monde justement parce qu'il n'a pas de contenu, donc il ne peut pas y avoir un lien organique avec le monde. Vous avez dit que c'était pas matérialiste. On l'annihile en pensée seulement. Tandis que le capitalisme annihile vraiment matériellement. Il y a une différence quand même entre Descartes en pensée et le capitalisme réellement matériellement. Si nous sommes toujours dans les précurseurs, il y a aussi peut-être une dernière remarque. Alors donc l'être humain est donc réduit au fait de n'être pensant. Mais évidemment, l'être humain n'est pas seulement un être de pensée. Alors, qu'est-ce qu'il arrive avec tout le reste, avec tous ses désirs, avec son corps, avec ses passions et d'autres? Ils sont essentiellement expulsés de l'être humain, donc c'est-à-dire qu'ils sont certainement réduits à un degré mineur de réalité ontologique et de dignité. Ils commencent à former une espèce de basement noir, donc justement du sujet moderne, qui évidemment ne peut pas se libérer complètement, mais qui tend à extérioriser et très souvent à projeter sur d'autres ce qu'il doit nier à soi-même. Là aussi, ça existait peut-être même dans d'autres cultures, mais cela devient un rôle de premier plan avec le sujet moderne. Le sujet moderne, donc, comme je dis, est défini par son intériorisation de tout ce qui est travail, discipline, autocontrôle, etc. Et donc, finalement, donc, tout ce qu'il ne peut pas faire, donc, qu'il doit nier à soi-même, il le projette sur l'autre, ou ça devient objet de détestation. Donc, la forme sujet classique donc, est quand même masculine. Donc, la femme n'était pas de véritable sujet parce qu'elle se faisait gouverner par les émotions, parce qu'elle pleure trop facilement, parce qu'elle ont de la piété avec les autres. Donc, toutes les émotions que le mâle devait nier en soi-même pour être assidu au travail, il les projetait sur le femme, et donc, où ça devait un objet de détestation. Non? Bien sûr, personne n'a toujours envie de travailler, alors on projette, soit sur le rhum, qu'il veut tout le temps danser, peut-être sur le travail aussi, on aurait projeté les dangers, on projette ce désir sur le rhum, et ce n'est pas une raison en plus pour le détester, etc. Et donc, dans tout l'image que le sujet ne peut exister, qui est toujours opposé à du non-sujet, là, j'aurais dû davantage insister sur ça, le sujet ne peut exister que comme ayant une contre-figure, un non-sujet. Le non-sujet, justement, en général, n'est pas simplement différent, il est en général un objet de détestation et de haine, mais une haine qui est presque toujours mélangée avec un fort élément de jalousie et de envie, parce que justement, on projette sur les autres ce qu'on ne peut pas faire soi-même. Je dis, même ici, c'est sûr que ce genre de comportement a existé, même disons dans l'Antiquité, mais il y a toujours une diffusion tout autre. Et surtout un impact social des autres. Je vous rappelle par exemple les analyses classiques d'Adorno et Horkheimer sur le rôle de la projection, par exemple dans le syndrome antisémite, justement pourquoi la détestation des nazis pour les juifs se base aussi sur le fait justement que tout ce qu'on devait expulser de soi-même, donc prenait un caractère concret, corporel, dans une espèce de contre-sujet. Alors, je pense qu'on va nous a... Il y a quelqu'un dehors ? Ah non ? Alors, je ne suis pas obligé de partir parce que normalement, il y a une collègue assez impatiente. Donc, vérifiez le moment, c'est elle là ou pas. Peut-être qu'elle n'a pas fou aujourd'hui. Hein. Ensemble et pour le reste, j'espère de vous voir. Peut-être. Ah bon. Ah bon. Si quelqu'un a encore quelque chose à dire, qu'il est, comment dire, ils le disent maintenant ou jamais, non? Voilà. Moi, j'avais une question. Parce que je n'ai pas compris un passage de Duisbourg. C'était exactement la question de la modernité. Bon, c'est pas chiffré. Oui, exactement. Je ne le trouve pas, mais bon, c'était l'idée de mettre ensemble ce qui était la. Les côtés de c'était ici du racisme de l'oppression et de l'exclusion avec la naissance de la de l'idée du sujet, comment on les nommait, de la responsabilité du sujet. Donc vous avez dit que c'est sur le même terrain, c'est ça la phrase qui m'a un petit peu mis des doutes, parce que si c'est sur le même terrain, il y a des liens là-bas. Alors, je voudrais savoir quels sont les liens entre, on dit, les côtés du racisme et les côtés de la... Oui, alors peut-être très brièvement. En général, les sociétés pré-modernes sont des sociétés hiérarchiques, aussi au sens du mot, ils établissent en général l'idée qui est plus importante que d'autres, selon parce qu'elle est plus proche de Dieu ou les autres. Et donc là, même les formes de racisme étaient en général étaient souvent même assez évidentes, étaient d'une certaine manière considérées relevantes d'un ordre naturel des choses. L'idéologie moderne et en théorie est égalitaire et donc ne devrait pas connaître donc de formes de racisme, de sexisme et d'autres. En vérité, sa définition de ce qui est d'un être humain, surtout de ce qui est d'un sujet, est quand même toujours calquée sur un certain modèle qui est essentiellement l'intériorisation des critères modernes du travail abstrait, d'autocontrôle, etc., qui reintroduit de certaine manière les inégalités par la fenêtre. Mais d'une manière, si on veut, presque plus insidieuse, parce que maintenant, il se semble que c'est la faute de ceux qui les excluent eux-mêmes parce qu'ils ne réussissent pas à s'adapter aux autres critères. Non, c'était l'argument plus classique des Européennes, que les nègres, elles sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils passent tout leur temps à danser. Non. Et très souvent, donc, la réaction à ce racisme, c'était de ne pas mettre en doute ces critères, mais de dire non, au contraire, nous, on ne travaille même plus que les blancs, non ? Une bonne partie, au moins longtemps, le courant majeur de l'émancipation de tous les exclus, c'était au contraire de démontrer qu'ils pouvaient faire la même chose, tout aussi bien, voire mieux que le sujet au sens plein. Hein. Et voilà, donc je vous ai dit, historiquement, ces deux formes ne peuvent pas toujours être très nettes, très clairement distinguées, parce que c'est évident que dans les, il y a une espèce de continuité, il y a comme une racine assez différente entre l'idée que c'est Dieu même, par exemple, qui a fait de noir les esclaves de blanc, une idée très, très moderne, et l'idée moderne que tout le monde, en vérité, serait libre de travailler et d'avoir une boutique aux Champs-Élysées, mais que malheureusement, certaines, évidemment, ne veulent pas faire les efforts nécessaires et il faut donc les forcer, quoi. Il faut donc les forcer ou à la limite les éduquer pour y arriver. Mais donc, je vois que ce qui s'est produit dans la modernité, c'est, comme vous disiez avant, une réélaboration de quelque chose qui vient d'avant. Alors, non. Ce n'est pas propre de la modernité. Non, je pense non. C'est comme quelque chose d'assez nouveau qui naît, que même si justement elle récupère ou se greffe sur des anciennes formes parfois. Mais ce n'est pas une continuation directe. Justement, je pense que c'est important de souligner qu'il y a une forte coupure. Parce que la justification, par exemple, dans ces cas-là, peut être l'opposé de ce qu'utilisait une société prémoderne. Dans la continuité historique, évidemment, il y a une espèce de continuité. Donc, dans les colonies, où on avait peut-être d'abord rendu esclaves les indigènes au nom d'une certaine idéologie, on n'avait pas leur expliqué à partir de certains jours que maintenant, ils étaient toujours esclaves, mais pour une autre raison. Évidemment que ces processus se mélangent dans les têtes des personnes. Et on ne peut pas dire que la chose caractéristique de la modernité, c'est exactement l'effet d'avoir introduit ce type d'idée qu'il y a une responsabilité propre du sujet. Ouais. Et donc, c'est ça ce qui caractérise la modernité. Oui, exactement. L'intériorisation des contraintes, effectivement, déplace l'axe vers le sujet. Donc, je dis pratiquement d'un côté, apparemment, c'est égalitaire, démocratique, parce que tout un chacun peut peut devenir une citoyenne libre, mais vraiment, première chose, et qu'on va toujours souligner, c'est aussi toute la gauche, que les conditions de base ne sont pas du tout les mêmes, et dans cette théorie reste toujours absolument théorique. Mais deuxième discours, qui a longtemps été négligé, c'est les critères elles-mêmes qui doivent être mis en doute. Donc il ne s'agit pas de revendiquer le droit pour tout et chacun, par exemple, de devenir un travailleur responsable, si c'est par exemple cette idée du travailleur responsable qui se tue à la tâche et peut-être elle-même contraire aux possibilités humaines. Et je trouve que ce sont deux discours comme relativement différents. Et donc d'abord, l'idée de l'égalité des chances, qui longuement était le discours dominant, quand même n'est pas identique à la mise en doute du fait même, donc des critères, de la validité des critères même. Mais alors, on se voit peut-être.